Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quel rôle joue l'Australie dans les débats sur l'évolution humaine et l'origine de l'homme moderne? Comment ce territoire vierge a-t-il été peuplé par Homo sapiens? Quelle a été la fonction d'un art de naviguer? Quelles sont les traces industrielles laissées par ces hommes modernes en Australie? Quel art rupestre spectaculaire! Quel rite funéraire! Après l'Europe hier, le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin, professeur invité au Collège de France depuis 2014 et directeur du département d'évolution humaine à l'Institut d'anthropologie évolutive Max Planck de Leipzig en Allemagne, poursuit son questionnement de l'expansion d'Homo sapiens après sa sortie de l'Afrique. Nous voici à l'autre bout de la Terre, sur un bout de continent isolé où nous découvrons des paysages et un cadre d'évolution singulier et une faune très particulière avec ses kangourous géants. Jean-Jacques Hublin nous parlera même de mégafaune vers 50 000 ans quand les hommes modernes colonisent de vastes territoires inhabités et pas toujours hospitaliers pour les plus arides. Comme en Europe, les hommes modernes qui abordent l'Australie et entrent en contact avec cette grande faune s'avèrent de redoutables prédateurs à l'origine de nombreuses extinctions d'espèces animales. Fidèle à son approche historique et pluridisciplinaire, à la croisée de la paléontologie humaine, de l'archéologie préhistorique, de la génétique ou de la climatologie, Jean-Jacques Hublin rappelle les débats passionnés autour de ce peuplement australien. Les questions autour des ADN, y a-t-il du Denisovien, cette branche archaïque sœur de l'Asie? Le peuplement du Pacifique, lui, s'avère assez récent. Quelles sont dès lors les interactions entre les populations d'Asie et celles du Pacifique? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 22 novembre 2016 pour le cours de Jean-Jacques Hublin intitulé « Homo sapiens, l'espèce orpheline », aujourd'hui, le peuplement de l'Australie. Je vais vous emmener à l'autre bout du monde, vraiment aux antipodes, pour parler un petit peu avec vous de du peuplement de l'Australie par les hommes modernes, et puis un petit peu de l'évolution de cette région au cours de la fin du Pléistocène et un tout petit peu pendant l'Holocène. Alors, l'Australie, c'est un continent qui est absolument fascinant à des tas de points de vue. Et du point de vue de la paléanthropologie, c'est une situation qui est d'une certaine façon comparable à ce qu'on va trouver aussi quand on va parler du peuplement des Amériques, puisqu'on a affaire à une région où il n'y a pas une longue évolution des hominines depuis plusieurs centaines de milliers d'années. C'est-à-dire qu'on a un continent qui est inhabité par l'homme et qui va être colonisé par l'homme. Et ça, c'est une situation qui est nouvelle pour nous, si je peux dire, nouvelle aussi pour les hommes. Et à divers points de vue, la préhistoire australienne, la paléanthropologie australienne, a suscité un très grand intérêt parce que, dans le fond, elle a permis de discuter différents aspects, des aspects même théoriques, hein, des aspects aussi de modèles d'évolution de l'homme et de son expansion. Alors, ce qui est vraiment important aussi à souligner quand on parle de ce peuplement d'une terre donc qui était jusqu'alors inhabitée par les humains, eh bien, c'est que ce peuplement s'est fait par la mer. C'est-à-dire que, au cours du Pléistocène, bien que les niveaux marins aient considérablement fluctué au gré des cycles glaciaires, interglaciaires, eh bien, même lorsque le niveau de la mer a été très très bas, comme durant le dernier maximum glaciaire, eh bien, il est toujours resté une étendue d'eau assez importante, séparant ces îles indonésiennes de cette masse de terre que l'on a appelée Saoul et qui rassemble à la fois l'Australie et la Nouvelle-Guinée ainsi qu'un certain nombre de terres qui sont proches de ce continent, de cette île-continent et de cette île. Donc c'est bien d'un seul ensemble dont il faut parler quand on parle de ce peuplement pléistocène. Alors, on a envisagé différentes voies de peuplement, soit directement à travers ces îles de cet arc indonésien, donc de Java, Bali, Bangkok, etc., jusqu'à Timor. Encore une fois, en sachant que même au moment du maximum de retrait de l'océan, il est toujours resté 80 km d'eau salée à traverser, et donc ça implique forcément la pratique de la navigation, enfin la pratique même, une certaine, j'allais dire, maîtrise de la navigation. Alors évidemment, il y a aussi une autre voie qui est possible pour pénétrer à Saoul, c'est un autre chapelet d'îles qui se trouve plus au nord, entre les Célèbes et puis la Nouvelle-Guinée. Alors il y a eu des partisans des deux voies de pénétration, et puis d'ailleurs ces deux voies possibles ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Hein. Il est possible qu'elles aient été utilisées toutes les deux, mais l'une comme l'autre implique la navigation. Ce qui est aussi remarquable avec l'Australie, c'est son isolement. Hein. Quand on regarde la Terre vue du côté de l'Australie, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose autour. Hein. Il y a énormément d'océans. Et là, effectivement, la seule voie d'arrivée, c'est l'Asie du Sud-Est. Et puis autour, eh bien, que d'eau. Et cet isolement de l'Australie a donné, enfin résulté en un endémisme très très fort de cette partie du monde. En particulier, la faune et la flore australienne, vous le savez certainement, sont des faunes et des flores extrêmement particulières, extrêmement différentes de ce qu'on trouve dans le reste du monde. Et cela, ça tient au fait que non seulement l'Australie est isolée aujourd'hui, mais elle est isolée depuis longtemps. Hein. En fait, l'Australie, c'est un morceau d'un continent primitif qui a existé il y a très longtemps, qui s'appelle le Gondwana. Et ce Gondwana a commencé à se fragmenter et durant le Mésozoïque, hein, c'est-à-dire l'ère secondaire, eh bien, on a eu une séparation d'une partie du Gondwana représentée par l'Amérique du Sud, l'Antarctique actuelle et l'Australie, qui se sont détachés des continents du Nord et de l'Afrique. Et cette chaîne de continents qui sont aujourd'hui complètement distincts les uns des autres, s'est elle-même disloquée et donc l'Australie a dérivé au loin de ces autres parties du Gondwana. Au Mésozoïque, c'est le moment où on a une diversification des différents grands groupes de mammifères et en particulier la séparation entre les placentaires qui ont essentiellement évolué dans les continents du Nord et en Afrique, et puis les marsupiaux et les monotrèmes qui, eux, sont développés plutôt dans les continents du Sud. Alors, on a une faune assez riche de marsupiaux fossiles en Afrique du Sud. On en a aussi en Antarctique. Mais l'Antarctique, au cours de sa dérive, s'est trouvé dans une situation qui a été assez funeste pour les faunes de mammifères. Et puis l'Amérique du Sud, elle, a été envahie beaucoup plus tard, lorsqu'elle a été en contact avec l'Amérique du Nord, par des faunes de placentaires. Et donc il y a eu des échanges de faunes entre le Nord et le Sud, mais beaucoup d'animaux ont disparu en Amérique du Sud. Et donc seule l'Australie est restée avec sa faune tout à fait particulière. Et donc au moment où les hommes arrivent en Australie, eh bien ils vont rencontrer des animaux tout à fait étranges. Alors vous connaissez tous les koalas, les kangourous, les thylacines qui sont des carnivores, des marsupiaux carnivores qui ont disparu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais donc quand on remonte dans le Pléistocène, on a en Australie toute une faune, et en particulier une grande faune, une mégafaune, qui peuple ce continent, avec des animaux de très grande taille qui, dans le fond, occupent les niches écologiques qu'on trouve chez les placentaires en Afrique, en Eurasie, avec des animaux comme ce diprotodon, donc qui est un marsupial, hein, mais qui a, vous voyez, la taille d'un rhinocéros à peu près. Et puis des animaux qui occupent des niches écologiques proches de ce qu'on connaît chez les placentaires, des carnivores qui ont la taille d'un petit lion, quelque chose comme ça, des kangourous qui font 2 mètres de haut, donc de des bêtes très impressionnantes et qui devaient être tout à fait intéressantes à rencontrer. Et certainement à chasser d'ailleurs, et vous allez voir qu'un des sujets à propos de cette mégafaune, c'est de savoir si c'est pas la prédation des hommes qui, en fait, a conduit à sa disparition. Or, il n'y a pas que des gros mammifères, que des gros marsupiaux, vous voyez, il y a aussi des grosses bêtes qui sont des reptiles, en particulier ce varan qui fait 7 ou 8 mètres, hein, donc c'est quand même une bête assez impressionnante, des oiseaux coureurs de très grande taille, comme il n'en existe plus aujourd'hui. Du point de vue géographique, l'Australie, c'est une région tout à fait particulière. On dit que c'est le plus plat et le plus sec des continents. Le plus plat, bien parce qu'il y a des montagnes, mais elles ne sont pas aussi élevées que ce que l'on peut trouver en Eurasie, en Afrique ou dans les Amériques. Et surtout, il y a une grande partie de l'Australie, à peu près un quart du territoire, qui est occupée par un désert. Et donc, à part l'Antarctique, c'est effectivement le plus sec des continents habités. Et donc c'est dans cet environnement que les hommes vont arriver et vont se répandre. Et évidemment, cet environnement va jouer un rôle très important dans leur distribution géographique et aussi dans leurs adaptations, dans leur façon de se fondre dans ces nouveaux paysages et de s'y adapter avec succès. Alors, ce désert, il occupe essentiellement le centre du continent. On a au nord une zone tropicale avec même un petit peu de forêt équatoriale. Et puis au sud de l'Australie, on a une zone avec un climat, une végétation tempérée. Et donc on s'est posé beaucoup de questions sur la façon suivant laquelle les hommes s'étaient, encore une fois, répandus dans ce territoire si particulier, avec une aridité qui aujourd'hui nous paraît tout à fait impressionnante, mais qui, dans le passé, a parfois été supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui, en particulier au moment du dernier maximum glaciaire, où on a eu vraiment une aridité très très importante en Australie. Dans une étude qui a été publiée très récemment, on a mis en évidence que, en gros, la plupart des sites archéologiques connus en Australie étaient à peu de distance de sources d'eau, aujourd'hui encore, et probablement que cet accès à la ressource en eau a été essentiel dans la façon dont les hommes ont pu pénétrer dans ce continent. Vous voyez qu'on a essayé, dans le fond, d'imaginer des voies de colonisation qui, en gros, contourne ce désert par la côte à l'ouest et puis fait une espèce de boucle pour coloniser le sud de l'Australie et ensuite pénétrer à l'intérieur des terres. On a affaire à une terre sur laquelle il n'y a jamais eu de chasseurs-cueilleurs, et apparemment ces chasseurs-cueilleurs vont avoir un très grand impact, non seulement sur la faune, puisqu'ils vont chasser des animaux et probablement en faire disparaître un grand nombre, mais aussi ils vont altérer le paysage. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de discussions pour savoir un petit peu dans quel ordre ça s'est passé. Les aborigènes australiens, traditionnellement, jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps, pratiquaient intentionnellement des feux de broussailles pour créer un paysage qui leur est favorable. Et donc, on se demande si c'est les hommes qui brûlent la végétation, modifient le paysage, et cette modification du paysage impacte les faunes, ou si ça n'est pas le contraire, c'est-à-dire si le fait de chasser certains herbivores, dans le fond, n'aboutit pas à favoriser un certain type de végétation et donc aussi à favoriser ces feux. Mais on voit très très bien, à un certain moment au cours de l'histoire de l'Australie, là il s'agit d'un site dans lequel on a étudié dans un carottage, hein, on a étudié le développement de microcharbons. Et vous voyez que ces microcharbons, on les voit apparaître aux alentours de 41 000, 43 000. Donc avant, il n'y en a pas. Et là, on commence à en trouver de plus en plus. Et puis, on voit aussi la végétation autour de cette date-là se modifier considérablement avec ces taxas sclérophylles qui, en fait, correspondent à un changement assez radical de la végétation et de la faune qui va avec. Il y a une situation qui est un petit peu particulière en Australie, c'est le cas de la Tasmanie. Pourquoi ? Eh bien, parce que la Tasmanie, donc, c'est cette île qui est à l'extrémité sud de l'Australie. La Tasmanie, elle a été tantôt reliée au continent, enfin à l'île continent australienne, tantôt séparée. Alors aujourd'hui, depuis le début de l'Holocène, avec la remontée des niveaux marins, la Tasmanie est complètement séparée de l'Australie. Et on pense qu'au moment de l'arrivée des hommes modernes en Australie, vous allez voir, c'est quelque part autour de 50 000 ans probablement, eh bien, on pense que la Tasmanie, à ce moment-là, est séparée de l'Australie et qu'elle va être rattachée à l'Australie seulement un petit peu plus tard, quand on va rentrer dans une période un petit peu plus froide à l'échelle planétaire. Et de façon très intéressante, on voit que d'abord les changements de paysage qu'on observe en Australie, que je vous ai décrit à l'instant, ne se produisent pas de la même façon en Tasmanie. Et on voit aussi la survie, par exemple, de ce kangourou géant de 2 mètres dont je vous parlais tout à l'heure, ce Protemnodon anak. Eh bien, on le trouve en Tasmanie plus tard que sur le continent australien. Dans la discussion pour savoir si c'est l'homme qui a causé l'extinction de ces bêtes ou si c'est le climat, bien évidemment, c'est absolument critique de montrer que l'homme les a rencontrés, évidemment. Donc chaque fois qu'on peut trouver un site, et vous allez voir que c'est quelque chose qui revient souvent à la discussion, chaque fois qu'on peut trouver un site où on a à la fois cette macrofaune associée aux premières traces de l'homme sur le continent, évidemment, c'est un argument en faveur du rôle de l'homme dans l'extinction de ces animaux, puisque, dans le fond, l'hypothèse alternative, eh bien, c'est que ces animaux ont disparu avant que l'homme arrive. Et, alors, c'est vrai dans certains cas, mais dans beaucoup de cas, il semble que ce soit bien l'homme qui soit responsable de ces extinctions. Je refais un petit retour en arrière sur l'origine de ces peuplements modernes qui arrivent en Australie. Donc, je vous ai dit qu'ils arrivaient à travers l'Asie du Sud-Est, mais dans le fond, il y a deux options. Une des options, vous en souvenez peut-être, c'est une arrivée à partir de l'Afrique le long de la rive nord de l'océan Indien, donc en passant au sud de l'Himalaya. Donc c'est une sorte de peuplement direct de l'Australie, avec une branche de l'humanité moderne qui serait une branche eurasiatique complètement distincte, qui se serait répandue au nord de l'Himalaya, d'un côté vers l'Europe et de l'autre côté vers la Chine, vers l'Extrême-Orient. Donc ça, c'est ce qui a été défendu dans une étude génétique récente par l'équipe de Villerslev. Donc là, dans cette étude qui est parue il n'y a pas très longtemps, eh bien, on a une dichotomie première entre donc les lignées qui vont donner les Européens actuels et les Chinois actuels, et puis cette branche qui va donner tous les peuplements actuels, enfin actuels aborigènes évidemment, de l'Australie et de la Nouvelle-Guinée, avec, vous vous en souvenez aussi, une introgression d'ADN dénisovien dans cette lignée qui va peupler l'Australie et la Nouvelle-Guinée. Alors, c'est pas la seule hypothèse, et dans le même numéro de Nature où l'article que je viens de vous citer a été publié, il y a une autre étude qui a été publiée qui a des résultats plutôt contradictoires avec la première, donc je vous la signale quand même. Donc dans ce travail de Malik et collaborateurs aussi de 2016, eh bien là, leur enracinement des populations papoues et australiennes dans un grand arbre de l'ADN nucléaire moderne, eh bien vous voyez que là, ces Australiens et ces papous, eh bien, dans le fond, c'est une branche au sein des peuplements asiatiques. Et donc là, c'est un scénario complètement différent, puisqu'à ce moment-là, on est plutôt obligé d'imaginer qu'il y a un peuplement de l'Asie, et que ce peuplement de l'Asie, c'est un peuplement qui peut se faire par le nord et par le sud de l'Himalaya, et qui finalement va, à partir de l'est de l'Asie, peupler l'Australie. Alors, ces deux scénarios qui peuvent paraître complètement contradictoires le sont peut-être pas complètement, parce que effectivement, il y a la possibilité qu'il y ait eu quand même un premier peuplement plus ancien de l'Australie par une lignée d'hommes modernes très anciens qui aurait été ensuite absorbée par des peuplements venant de l'Asie. Alors, sur leur chemin vers l'Australie, les hommes modernes ont rencontré donc des Denisoviens, il y a cette hybridation, mais ils ont aussi rencontré une branche, enfin un petit rameau d'Homo erectus qui survivent dans les îles indonésiennes. Et pour ceux qui ont assisté à mes premiers cours sur l'origine du genre Homo, eh bien, ils se souviennent peut-être qu'on a cette Homo floresiensis qui est probablement une forme très très tardive d'Homo erectus qui a survécu dans l'île de Flores, peut-être dans d'autres îles adjacentes. D'ailleurs, c'est seulement à Flores qu'on l'a trouvé pour l'instant. Et on a trouvé ses restes dans la grotte de Liangboa. C'est un être de toute petite taille, avec des caractères tout à fait spectaculaires, en particulier une réduction du cerveau qui a énormément suscité d'interrogations sur les processus évolutifs qui ont mené à cela. Alors on a, quand on a découvert cet homme de Flores il y a quelques années, associé à des industries lithiques dans la grotte de Liangboa, eh bien les datations qui avaient été produites étaient des datations qui allaient jusqu'à environ 18 000 avant le présent pour cet Homo floresiensis. Ce qui paraissait à beaucoup, dont moi-même, assez curieux. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a 18 000 ans, ça faisait très longtemps qu'il y avait des hommes modernes dans la région, et donc il fallait imaginer que ces hommes modernes, ils avaient laissé tranquilles ces petits hobbits dans leur grotte de Liangboa pendant plusieurs dizaines de milliers d'années, sans aller les embêter. Alors, on a eu cette année une nouvelle publication sur Liangboa, qui montre qu'en fait, on avait raison d'avoir des doutes sur ces datations. Il y a dans la grotte de Liangboa une stratigraphie très très compliquée, avec des strates qui sont des strates anciennes, qui contiennent ces restes de hobbits, et puis ensuite des sortes de rigoles, de canyons qui ont été creusés par l'érosion dans ces dépôts, avec des niveaux beaucoup plus récents qui sont déposés à l'intérieur de ces formes, et donc les dates à 18 000 et même moins que ça qui avaient été déterminées à partir de charbon trouvé à la hauteur des restes du Hobbit, bien en fait sont des échantillons qui appartiennent à ce dépôt plus récent. Et en fait, quand on regarde l'ensemble des dépôts dans lesquels les restes d'Homo floresiensis sont contenus, eh bien, il semble que les dates les plus récentes soient autour de 46 000. Et donc, on a, si je peux dire, déjà, si l'homme moderne a bien, si je peux dire, précipité la disparition de ces Homo floresiensis, vous voyez qu'on a déjà un jalon, une date, hein, à Flores, probablement, on parle de quelque chose entre 45 000 et 50 000. Je viens d'en dire un mot. Vous vous souvenez aussi que dans les études génétiques parues cette année, on a discuté, en tout cas certains des auteurs, à partir de ces nouveaux résultats sur l'ADN nucléaire, eh bien, on discutait la possibilité que les habitants actuels de l'Australie, eh bien, en fait, aient absorbé une population d'hommes modernes un petit peu plus ancienne. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait réconcilier un petit peu les différents scénarios de peuplement de l'Australie dont je vous ai parlé, c'est-à-dire une source à partir de l'Asie de l'Est ou une source à partir des rives nord de l'océan Indien. Alors quand ces hommes arrivent en Australie, ils sont très très peu nombreux et on peut reconstituer l'évolution de cette population en utilisant une méthode qui est assez simple. On compte le nombre de dates C14 qu'on a dans tous les gisements archéologiques sur lesquels on a prélevé des charbons. Et cela, ça nous donne une idée du nombre de sites, de l'intensité d'occupation de ces sites et de la durée d'occupation de tous ces sites. Et donc, en utilisant des modèles mathématiques, on peut reconstituer une courbe dans laquelle vous voyez qu'en fait, très longtemps, la population de l'Australie est restée assez faible, avec une augmentation très très forte, essentiellement durant l'Holocène, c'est-à-dire après le dernier grand cycle glaciaire. Donc c'est vraiment autour de, disons, 14 000, quelque chose comme ça, avant le présent, que la population décolle en nombre. Et puis avant cela, on a des fluctuations, avec probablement ici, autour du dernier maximum glaciaire, un certain affaissement de la taille des populations en relation avec une montée de l'aridité. Collège de France et France Culture vous présentent le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin, son cours sur Homo sapiens, l'espèce orpheline, aujourd'hui le peuplement de l'Australie. Alors pour ce qui est des sites proprement australiens et des dates de ces sites, alors le peuplement de l'Australie et l'âge du peuplement de l'Australie a donné lieu à des débats passionnés depuis des générations. Pendant longtemps, on a cru que le peuplement de l'Australie, c'était une affaire très récente, moins de 25 000 ans. Et puis après, on est allé à d'autres extrêmes, hein. Il y a eu des propositions à 60 000 ans et même au-delà de 60 000 ans. Aujourd'hui, je dirais que le consensus, c'est plutôt entre 40 000 et 50 000. Je dirais plus près de 50 000 que de 40 000. Et de fait, on a en Australie toute une série de sites qui sont certainement plus vieux que 30 000. Et parmi ces sites, eh bien, on en a quelques-uns où on a, disons, raisonnablement des dates qui sont au-delà de 40 000, autour de 45 000, peut-être encore plus anciennes que ça. Alors vous voyez qu'il y a des sites qui sont dans la partie la plus septentrionale de l'Australie, il y en a plusieurs. De façon intéressante, il y a un site qui s'appelle Huon, en Nouvelle-Guinée, en face de l'île de Nouvelle-Bretagne, et ça c'est aussi un site qui est très ancien. Et puis on a des sites qui sont dans l'ouest de l'Australie, et on a tout un groupement de sites qui se trouvent dans le sud de l'Australie. Alors les plus anciens que l'on connaît, je vous en montre quand même un ou deux. Il y a un site qui se trouve dans l'extrême nord de l'Australie, qui est un abri sur roche qui s'appelle Malakunanja 2. Et dans ce site de Malakunanja, on a des industries qui sont datées. Alors par différentes méthodes, vous voyez ici, on a combiné de l'OSL et du carbone 14 pour arriver à des dates ici qui sont des dates au-delà de 50 000 dans ce site-là. Alors comme toujours, les dates les plus anciennes sont extrêmement contestées, discutées, mais il semble que maintenant on a quand même un ensemble de données pour ce site qui suggère une arrivée très ancienne de l'homme dans le nord de l'Australie. Les industries qu'on trouve dans ces sites sont des industries qui sont, enfin qui peuvent paraître très très frustes, sont des éclats, des choses comme ça. C'est certainement aussi le fait que ce sont des matières premières qui sont des matières premières assez différentes du silex auquel on est habitué en Europe, des quartzites, des silcrètes, des choses comme ça. Mais vous allez voir que ces hommes, à côté de cette production lithique qui peut paraître assez fruste, développent des technologies qui sont des technologies qui sont, d'une certaine façon, beaucoup plus avancées que celles qu'on a en Europe dans le paléolithique supérieur. Alors très récemment, il y a seulement quelques semaines, on a publié des dates et des données sur un nouveau site qui, lui, se trouve au centre de l'Australie. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que, dans le fond, il y avait l'idée que ce peuplement très ancien de l'Australie, ben, il se cantonnait dans des territoires soit très septentrionaux, soit périphériques. Et là, on a avec ce site de Waratly, on a un site qui est à la fois un site qui est relativement central et qui est dans une partie très aride de l'Australie et qui en même temps est très ancien puisqu'on a des niveaux qui sont datés peut-être autour de 49 000, en tout cas entre 49 et 46 000. Et dans ce site, eh bien, on a trouvé toute une stratigraphie avec des assemblages lithiques et pas seulement des assemblages lithiques. Ces assemblages sont aussi associés à de l'ocre, donc des pigments, du gypse qui a été transformé par les hommes. On a un objet en os façonné qui a été trouvé aussi dans cette stratigraphie, des objets en pierre taillée qui sont relativement sophistiqués, comme ces pièces géométriques. Alors tous ces objets, évidemment, ne sont pas à cet âge-là, ils se répartissent sur une stratigraphie qui est assez longue, mais ce qui est remarquable dans ce gisement, c'est que, dans le fond, tous ces objets, cet os façonné, cet ocre, ces objets avec un dos abattu, eh bien, sont tous à peu près 10 000 ans plus anciens que ce qu'on croyait il y a encore quelques mois, en fait. Alors, une autre chose qui est remarquable dans ce site, c'est qu'on a, dans les niveaux les plus anciens, eh bien, une association entre ces outillages et des restes de diprotodones. Vous savez, ce marsupial qui ressemble à un petit rhinocéros. Donc, on a, dans ce gisement-là, dans ces niveaux les plus anciens, un niveau avec de l'ocre, utilisé par l'homme et des restes de diprotodons. Et donc là encore, évidemment, ça suggère effectivement que la disparition de ces diprotodons très vite après cette date-là, eh bien, l'homme n'y est pas pour rien. Alors, je vous disais que les techniques de ces habitants paléolithiques de l'Australie étaient parfois surprenantes, hein, à côté d'objets qui paraissent un petit peu frustes. On a des choses beaucoup plus sophistiquées, donc objets en os, je viens d'en parler. Il y a quelque chose qui est assez remarquable aussi, c'est l'utilisation du piquetage et du polissage de pierres pour fabriquer des haches un peu de ce type-là. Alors, celles-ci sont des haches récentes, mais on connaît des techniques de polissage en Australie qui sont très anciennes. Et je vous rappelle qu'en Europe, hein, le polissage de la pierre, on a tous appris ça à l'école primaire, j'espère qu'on l'apprend encore, eh bien, c'est la pierre polie, c'est le néolithique avec la céramique. Eh bien, on sait maintenant que cette pierre polie, elle a été utilisée de façon beaucoup plus ancienne en Australie. Et il y a très peu de temps, il y a un fragment de hache qui a été publié avec un âge, vous voyez, au-delà de 40 000. Donc on est très très loin des âges du néolithique en Europe. Alors, je pense que ces âges devraient être confirmés, hein, mais le fait est que de toute façon, on a une apparition beaucoup plus ancienne du polissage qu'en Europe. Avec l'arrivée des hommes en Australie, on voit assez rapidement se développer un art rupestre qui est tout à fait spectaculaire. Et cet art rupestre, évidemment, c'est l'expression de croyances, d'une mythologie, d'une représentation du cosmos. C'est très difficile de faire des datations d'art rupestre. Hein. On a des techniques maintenant pour les dater. Alors, encore une fois, il y a de grandes discussions pour connaître l'âge des plus anciennes représentations figuratives dans ce coin du monde. Mais très récemment, on a publié des dates qui ont été obtenues en datant avec une méthode qui se fonde sur les séries de désintégration de l'uranium, donc des calcites qui sont déposés sur ces impressions de mains. Et ces peintures, eh bien, elles viennent non pas d'Australie, hein, mais elles viennent de Sulawesi, et elles datent, pour les plus anciennes, autour de 40 000 ans. Et cela, ça nous dit deux choses. Ça nous dit d'abord que les hommes qui sont arrivés en Australie avaient déjà ces traditions et des techniques qui leur étaient associées. Et puis aussi, ça soulève pas mal d'interrogations sur le lien entre cet art rupestre qu'on trouve à l'autre bout du monde et l'art rupestre que l'on connaît en Europe. Hein. Et on est là pas très loin des dates de la grotte Chauvet, par exemple. Hein. Et en Europe, vers 40 000 ou un petit peu après 40 000, on a un art figuratif avec des représentations d'animaux. On a aussi des animaux dans ce site de Sulawesi. Et donc, dans le fond, soit on imagine que de façon indépendante, ces hommes modernes dans différentes régions du monde ont inventé quelque chose comme l'art rupestre, ou alors, et je pense que c'est l'hypothèse la plus probable, eh bien, cela implique que, au début de la dispersion des hommes hors d'Afrique, et peut-être même avant leur sortie d'Afrique, eh bien, ils avaient déjà ces traditions, ils avaient déjà ces techniques, et que dans le fond, c'est peut-être par défaut de conservation que nous n'avons pas les traces les plus anciennes de cet art rupestre. Hein. Ce sera peut-être une question qui restera ouverte pour toujours, mais j'imagine assez facilement qu'en fait, ces hommes qui ont, si je peux dire, conquis le monde et qui ont envahi des terres nouvelles, parfois aux dépens de populations archaïques comme les Néandertaliens ou les Denisoviens, eh bien, dans leur bagages, dans leur bagage culturel, ils avaient cette capacité à représenter le monde et surtout à représenter leur monde intérieur à travers des images comme celle-là. Alors on va en venir maintenant aux restes humains qui sont associés à tous ces gisements. Et là encore, l'Australie a joué un rôle tout à fait particulier dans les débats sur l'évolution humaine et surtout sur l'origine de l'homme moderne. Pourquoi ? Eh bien parce que dans l'argumentation de ceux qui défendaient un modèle multirégional, eh bien, l'Australie a, dès le début, joué un rôle très important. Je vous ai représenté ici à nouveau cette illustration qui est tirée d'un ouvrage de 1943 de Franz Weidenreich. Et vous vous souvenez, Franz Weidenreich avait été un de ces paléoanthropologues qui avait théorisé cette idée suivant laquelle tous les groupes humains actuels, eh bien, avaient une origine régionale, une origine locale très ancienne, avec des hommes modernes en Chine qui descendaient des Homo erectus chinois des Australiens qui descendaient des Homo erectus indonésiens. Alors évidemment, avec des échanges géniques entre toutes ces populations, mais quand même l'idée qu'il y avait une continuité régionale qui reliait des populations actuelles, c'était l'origine des races, entre guillemets, hein, c'était comme ça qu'on expliquait les différences entre les hommes actuels, et puis donc des formes archaïques locales très très anciennes. Donc dans cette image de Franz Weidenreich, ce que vous avez là, c'est un Homo erectus tardif de Java, du gisement de Gnandong, le long de la rivière Solo, et puis un crâne d'aborigène australien. Alors Weidenreich avait gommé là, en fait c'était un crâne complet, mais là il a avec de la gouache, un artiste a effacé la face juste pour garder la calotte crânienne, et donc Weidenreich s'appuyait sur cette espèce de ressemblance superficielle, et puis pas seulement superficielle, il avait des arguments anatomiques pour, dans le fond, défendre cette continuité régionale. Alors ce modèle qui, j'allais dire maintenant, est presque complètement abandonné, il a eu quand même, il a encore soutiens, des défenseurs. Aujourd'hui, Milford Wolpoff est toujours un défenseur de ce modèle-là, qui s'oppose à l'origine commune récente de tous les hommes modernes en Afrique et à leur dispersion hors d'Afrique. Et en Australie, il a eu un collègue australien, Alan Thorne, que j'ai eu le plaisir de connaître, qui est mort il y a très peu de temps, qui était lui aussi un grand, grand défenseur du multirégionalisme, hein, et de la continuité entre Homo erectus indonésien, javanais, et puis aborigène australien récent. Et Thorne a joué un grand rôle parce qu'il a été impliqué dans l'étude de pas mal de restes fossiles australiens, et singulièrement de restes qui viennent de cette région du sud de l'Australie. Vous vous souvenez, je vous ai montré, il y avait un point rouge sur ma carte, je vous ai dit les lacs Villandra. Et bien dans cette région, on a plusieurs lacs, ou anciens lacs plutôt, bordés par des croissants dunaires. Et dans ces dépôts dunaires, on trouve des sites archéologiques et on trouve des restes humains. Et en particulier, il y a un lac qui n'existe plus aujourd'hui, qui est complètement asséché, mais qui est bordé par un ancien cordon de dunes, qui est le lac Mungo, où on a trouvé des restes humains, et Alan Thorne et d'autres ont beaucoup discuté la signification de ces restes. Ces lacs, il y en a trois dont on va parler maintenant, lac Mungo 1, lac Mungo 3, et puis un autre lac qui est pas loin, un fossile qui s'appelle WLH, ce qui veut dire Willandra Lake Hominin, numéro 50. Et pour tous ces fossiles, eh bien, il y a eu des discussions terribles à propos de leur âge. Hein. Lac Mungo 3, dont on pense maintenant qu'il a autour de 42 000, 43 000, quelque chose comme ça, il y a des gens qui ont prétendu que c'est des restes humains qui avaient 60 000 ans. Hein, donc, vous voyez qu'il y a de la marge. Mungo 1 aussi, il y a eu beaucoup de discussions. Et vous voyez que pour WLH 50, eh bien, la question est loin d'être résolue. Je vous montre rapidement ces fossiles parce qu'ils sont absolument remarquables. Je ne sais pas s'il faut parler de fossiles parce qu'ils sont en fait assez récents. Lac Mungo 1, eh bien, ce sont les restes d'un jeune individu, une femme probablement, peut-être pas complètement adulte, donc qui est datée autour de 25 000 maintenant. Et ce qui est tout à fait remarquable, je vous parlais de comportements complexes hein, chez ces aborigènes australiens pléistocènes, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que Lac Mungo 1 représente, enfin à ma connaissance, le plus ancien exemple de crémation d'un corps humain qui soit réellement, j'allais dire, utilisé comme une pratique funéraire. Hein, et donc c'est pour ça que les restes sont en état, pas en très très bon état, parce qu'ils ont été brûlés. Et puis on a une autre découverte qui a fait énormément de bruit à l'époque, donc dans les années 70, c'est cette sépulture de Lac Mungo 3. Alors, ces restes ont été rendus aux tribus aborigènes et je crois bien que certains ont été réinhumés, certains sont gardés dans des coffres et ne sont pas accessibles. Donc toutes les informations qu'on a sont des informations qui datent quand même de l'époque de leur étude et de leur découverte. Alors, Lac Mungo 3, c'est une sépulture d'un individu assez complet, et cet individu, il est entièrement ocré, couvert d'ocre rouge. Et là encore, je vous rappelle que à cette époque-là, vers 43 000 en Europe, vous vous souvenez que dans l'Aurignacien, on n'avait pas beaucoup de sépultures. Hein. On avait cette sépulture à Kostenki, qui était la seule que l'on connaisse, et qui était beaucoup plus récente que ça. Donc là, on a des comportements qui sont tout à fait remarquables et tout à fait assez complexes. Alors, il y a eu énormément de discussions autour de l'interprétation de ces fossiles de Lac Mungo. Alors, toujours autour de ce débat sur multirégionalisme, donc origine locale, dans la zone Australie, sud-est asiatique de ces hommes, ou origine africaine de tous les hommes modernes. Et donc, Alan Thorne et d'autres ont énormément tiré argument de ces restes. En particulier, il y a eu une étude à partir d'ADN mitochondrial tiré de ce squelette qui, à l'époque, semblait montrer que, dans le fond, cette lignée mitochondriale de l'homme de Mungo III était plus ancienne que toutes les lignées mitochondriales d'hommes modernes qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, Thorne et Wolpoff et d'autres en ont tiré argument justement pour, dans le fond, soutenir leur thèse multirégionale. Alors depuis, la validité de cette étude a été pas mal remise en cause, et on pense que c'est en grande partie probablement la mauvaise conservation, peut-être la contamination de cet ADN mitochondrial qui a mené à cette interprétation. Alors, les restes de Lac Mungo et d'autres fossiles australiens ont aussi mené Alan Thorne à développer un modèle de peuplement de l'Australie à partir de deux stocks de population qui auraient été différents sur le plan biologique, sur le plan anthropologique, mais aussi sur le plan culturel. Et donc, l'idée de Thorne et d'autres, c'était qu'il y avait dans le matériel fossile australien des formes qu'il appelait graciles. Et vous voyez ici une photo d'un crâne venant d'un autre gisement qui s'appelle Kaylor, qui est un gisement de l'extrême fin du Pléistocène, avec une morphologie qui rappelle la morphologie de ce qu'on a sur le continent asiatique. Alors, ce tome de Liu Jiang, on n'est pas très sûr de son âge, mais enfin, disons que ce sont des hommes modernes qui ressemblent beaucoup aux hommes modernes d'aujourd'hui. Et donc, dans l'esprit de Thorne, on avait Lac Mungo 1, Keilor et quelques autres formes qui représentaient cette population dite gracile. Et à ces populations graciles, eh bien, il opposait des formes qui étaient des formes dites robustes, comme ce fameux crâne de Lac Vilandra hominide 50, avec, vous voyez, un frontal beaucoup plus aplati, des os crâniens beaucoup plus épais, une constriction post-orbitaire très très forte, un torus occipital très marqué, une grande robustesse. Et l'idée, c'était que ces gens-là, cette autre population, eh bien, c'était une population qui trouvait ses origines, eh bien, dans les Homo erectus indonésiens. Et dans cette argumentation, il y a un certain nombre de fossiles qui ont joué un très grand rôle, en particulier les fossiles venant du gisement de Co-Swamp et Nakuri. Vous voyez, on retrouve encore cette très grande robustesse des reliefs susorbitaires, ce frontal fuyant, aplati. Vous avez toujours en tête l'image, la comparaison par Weidenreich entre un aborigène australien et puis un Homo erectus tardif de Sangbum Achan. Et Thorne, en particulier, a beaucoup publié sur ces hommes de Co-Swamp. Alors, Co-Swamp et Nakuri, c'est pas toujours très très bien daté, tous ces sites, parce qu'on a des datations C14 parfois sur le squelette lui-même, mais avec des risques de contamination. Et puis sinon, on a des datations par OSL, c'est-à-dire par des techniques de luminescence. Et ces méthodes, elles datent non pas les restes, mais elles datent le sédiment qu'il y a autour. Alors quand on a une sépulture, c'est un petit peu compliqué, parce que l'idée de faire une sépulture, c'est justement de remuer le sédiment et de mettre les gens dans du sédiment plus ancien. Enfin, disons que les âges sont des âges qui sont probablement autour de l'extrême fin du Pléistocène, donc probablement pendant le déclin du dernier maximum glaciaire. Alors tous ces travaux qui ont eu leur heure de gloire, eh bien, ont été considérablement critiqués, en particulier par un chercheur australien qui s'appelle Brown. Et Brown, eh bien, il a étudié de façon précise et de façon métrique la variabilité de toutes ces formes, et il a montré d'abord une chose qui avait échappé à un certain nombre de chercheurs jusque-là, eh bien, c'est que la plupart de ces crânes qui avaient des caractéristiques un peu bizarres au niveau du frontal, avec ce frontal aplati, fuyant, quelque chose qui rappelait un petit peu les Homo erectus, eh bien que, en fait, ces crânes étaient très probablement des crânes qui avaient été intentionnellement déformés. Alors, intentionnellement déformés pendant la croissance, hein, c'est-à-dire la maman, elle attache le crâne du bébé pour que le crâne se développe d'une certaine façon. C'est quelque chose qu'on connaît dans de grand nombre de populations, en Amérique du Sud, en Europe, hein, les Huns par exemple, mais qui est aussi connu à Saoul, et en particulier, on a des exemples historiques. Ça, c'est une photo qui a été prise en Nouvelle-Bretagne, donc, vous voyez, au début du XXe siècle, où on voit un petit enfant ben, qui a le crâne bandé, justement, pour développer une forme comme celle-là. D'accord ? Donc, le frontal aplati des hommes de Co-Swamp, c'est pas parce que c'est des espèces d'Homo erectus qui ont survécu jusqu'à nous, mais c'est bien plutôt le résultat de ces déformations artificielles. Et d'ailleurs, quand on regarde l'effet de ces déformations, eh bien, on voit que, du point de vue anatomique, le résultat est quand même très très différent de ce qu'on observe chez un Homo erectus. Alors effectivement, ça aplatit énormément le frontal, mais vous voyez, sur le pariétal, par exemple, ça a l'effet inverse, ça crée un pariétal qui est extrêmement convexe. Et puis sur l'occipital aussi, ça a un effet inverse de le genre de situation qu'on a chez un Homo erectus, où on a un occipital qui est court et qui a une angulation très très forte, et bien là, au contraire, on a un occipital qui s'aplatit à cause de cette déformation. Et donc, Brown, dans ses travaux, a montré que, dans le fond, ces formes un peu bizarres s'expliquaient d'abord par ces déformations intentionnelles, et puis ensuite que, dans le fond, quand on avait des grandes séries, comme par exemple celle de Cool Bull Creek, encore une fois, une série qui a probablement un âge de l'extrême fin du Pléistocène à la limite de l'Holocène, eh bien, on a une variabilité en termes de robustesse, eh bien, dans le fond, qui englobe ce qu'on trouve à Coe Swamp, qui englobe ce que l'on a à Mungo 1, et donc on n'est pas obligé d'imaginer ces populations différentes qui se mélangent pour donner cela, enfin, en tout cas, les morphologies qu'on observe. Donc, l'idée qu'on a aujourd'hui sur ces peuplements pléistocènes de l'Australie, c'est que c'est essentiellement un peuplement. C'est un peuplement ancien qui est là depuis probablement 50 000 ans ou quelque chose comme ça, avec un peuplement initial qui est assez faible. On parle de taille effective de la population initiale de quelques milliers d'individus seulement. Et puis on va avoir le jeu à la fois des pratiques culturelles humaines comme les déformations crâniennes qui vont donner des morphologies un peu particulières, et puis aussi des fluctuations de population, avec parfois dans certaines régions un abaissement assez fort du nombre d'individus, des effets de dérives géniques, de fondateurs qui fixent certains caractères, et puis aussi probablement des effets adaptatifs, peut-être liés aux conditions du dernier maximum glaciaire et de cette montée de l'aridité qu'on observe bien juste avant le développement de toutes ces formes un petit peu étranges. Voilà. Pour finir, je voudrais vous dire quand même que, bon, même si on rejette l'idée, enfin en tout cas moi je la rejette, les idées de Milford Wolpoff ou de Alan Thorne sur l'origine des aborigènes australiens chez les Homo erectus indonésiens, eh bien, il n'en reste pas moins vrai quand même que on a chez ces populations de Saoul une part d'ADN qui est une part ADN héritée de formes archaïques, alors qu'ils ne sont pas les Homo erectus, mais qui sont d'une part les Denisoviens et d'autre part aussi un peu d'ADN néandertalien qui a été emporté, si je peux dire, au moment de l'exode à partir de la sortie d'Afrique. Et au sein des populations vivantes actuelles, eh bien, ces populations sont celles qui ont, en fait, le pourcentage le plus élevé de cet ADN non moderne, si je peux dire. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 22 novembre 2016 Jean-Jacques Hublin, Homo sapiens, l'espèce orpheline, aujourd'hui le peuplement de l'Australie. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Jacques Hublin. Sa leçon inaugurale est publiée chez Fayard sous le titre « Paléanthropologie du genre Homo ». Et avec Bernard Sêtre, il a publié « Quand d'autres hommes peuplaient la Terre, nouveau regard sur nos origines » chez Flammarion en 2008. Réalisation Anne Sacheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de Jean-Jacques Hublin son cours sur Homo sapiens, l'espèce orpheline. Il s'interrogera sur les premiers Américains. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.